Le morpion. Imitons la ténacité de cet insecte qu'on méprise. Dames, messieurs, qui vous grattez, il ne lâchera jamais prise.